Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur les arts vivants queer. Aujourd'hui, dans Freaks et Merveilles, je reçois un praticien du buto, la danse du corps obscur, celle qui explore nos sensations, nos impensées, nos continents noirs. Ce danseur radicalement vulnérable, brutalement disponible, s'est formé au Japon, terre de naissance du buto, avant de le ramener en Belgique, où il creuse sa pratique dans des cabarets queer, des musées ou des théâtres, en se souvenant de la pluie ou en incarnant les monstres de Dali. Aujourd'hui, je reçois Quentin Chavaria. Bonjour. Bonjour Quentin. Comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Oui, ben merci à toi de venir pour parler de cette pratique si particulière du buto. Du coup, commençons par l'évidence, par l'éléphant dans la pièce. Qu'est-ce que c'est que le buto? Est-ce que tu peux nous définir un peu dans tes propres termes? Alors, c'est une question qu'on me pose très souvent et à laquelle je m'amuse souvent à répondre, je ne sais pas. Et c'est effectivement une provocation, mais pas que, parce que le buto reste un mystère. C'est un geste artistique donc, qui est né dans les années 50 au Japon, sous l'impulsion de majoritairement deux artistes, qui étaient donc Ichikata Tatsumi et Ono Kazuo, qui ont fait... Ouais, c'était un geste artistique multiple, qui se sont divisés en plein de courants. Et d'ailleurs, un des livres clés sur l'histoire du buto s'appelle Buto avec un S entre parenthèses, parce qu'on dit qu'il y a autant de buto qu'il y a de gens qui le dansent, qui le pratiquent. Et c'est une, on va dire, une entité indéfinie qui mute sans arrêt. Donc il est vraiment très très compliqué à définir, ce buto. Mmh. Je trouve ça intéressant, premier débunkage d'une espèce d'orientalisme qu'on pourrait avoir. Le buto n'est pas un art ancestral comme peut l'être le kabuki ou le no ou quoi. C'est né dans les années 50-60 au Japon. Ouais. Et c'est né avec déjà une influence de courant européen, de courant artistique. C'est ça exactement, c'est vraiment une discipline qui s'est créée sur des allers-retours entre influence asiatique et influence européenne. Et le buto est né dans la tête d'Ichikata au moment où il découvre à la fois la danse expressionniste allemande, comme la danse de Marie Wigman, peut-être que vous avez déjà entendu parler ou vu la danse de la sorcière, qui est très très connue, une danse expressionniste. Rien, mais... voilà, je vous conseille d'aller voir, elle est sur YouTube, ou Harald Kreutzberg, et puis les écrits aussi d'Antonin Artaud, qui le marque durablement. Moi, je dis souvent que le buto est pour moi l'application la plus complète du théâtre de la cruauté. Donc il y a Antonin Artaud, il découvre le surréalisme par le biais du conte de Lautréamont, les chants de Maldoror, il découvre les écrits subversifs de Jean Genet, de Georges Bataille, du marquis de Sade, et en fait ça marque profondément au Japon qui est encore englué dans un puritanisme, dans une certaine forme de conformisme, de pudibonderie sur pas mal de sujets. Et donc ces artistes ont envie de marquer, de faire un coup d'éclat, de choquer, de faire subversion. Et donc la première performance créée, ça s'appelle Kinjiki. C'est une adaptation d'un roman de Mishima qui s'appelle Les Amours Interdites. Et voilà, donc c'est une performance qui est restée assez mythique. On ne sait pas grand-chose. Il y a quelques photos très, très floues qui subsistent. Mais on y raconte que Ichikata était avec Yoshito Ono, qui a d'ailleurs été un de mes profs, sur le plateau, et que Yoshito tuait un poulet entre ses jambes. Il y avait de l'homoérotisme, il y avait des rapports de prédation entre les deux corps. Voilà, c'était vraiment une performance qui visait vraiment à choquer. Donc ça, c'est le point de départ du buto. Après, ça a évolué vers quelque chose qui restait subversif, mais peut-être à un autre degré, pas forcément sur des images qui choquent explicitement, mais en tout cas en subvertissant le temps, ce qu'on attend de la scène, de la présence, etc. Oui. Ben alors, pour revenir un petit peu à ton parcours à toi dans le buto, donc toi, tu découvres le buto, enfin, en tout cas, ta première pratique du buto, c'est lors d'un voyage d'études organisé donc, au conservatoire dans lequel on était à ce moment-là, tous les deux à Rocarré, donc le conservatoire de Mons, qui a permis à certains élèves, dont toi, d'aller au Japon pendant quelques semaines. À la base, c'était en fait un partenariat avec une école d'art au Japon. Il y avait un échange où des étudiants et étudiantes japonais et japonaises sont venus en Belgique et puis vous êtes allés au Japon. Et toi, tu profites de ce voyage pour suivre des premiers cours de buto. Oui, c'est ça. Dans le cadre donc, de ce voyage, j'ai commencé à faire des recherches sur le rapport à la mort au Japon. C'était quelque chose qui m'intéressait. Et c'est là qu'une amie m'a parlé du buto. Elle m'a montré des vidéos. Au début, je n'y comprenais rien du tout, mais ça m'a directement fasciné et touché très en profondeur, sans réussir à pouvoir nommer exactement à quel endroit, qu'est-ce que ça me faisait, mais voilà, ça m'a vraiment chamboulé. Et très rapidement, j'ai rencontré Seiji Tanaka, qui est donc la personne qui m'a formé principalement. Et il se trouve qu'encore à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est la personne qui a le buto qui me parle le plus. Donc le premier maître et le dernier sans doute, et qui en fait au Japon donne des classes deux soirs par semaine d'une manière très très régulière auxquelles tout le monde peut assister, qui ne sont pas très chères. Et puis donc j'ai commencé comme ça à suivre ces classes en 2015, effectivement lors de ce voyage, avec l'impératif de devoir créer une performance pour Mons 2015, à l'époque, en capitale européenne de la culture. Mais voilà, à l'époque, j'étais vraiment en bébé buto, comme on parle des baby drag. J'étais vraiment en bébé buto, et donc c'était très naïf, mais j'ai créé une première performance. Et puis, j'y suis retourné en 2017, à ma sortie d'école, là, sur une plus longue durée, et avec aussi une formation un peu plus intensive, avec mon maître, donc, qui allait au-delà de ces juste deux périodes de cours par semaine. C'est une vraie formation. Oui, et parce que donc tu m'as fait lire des espèces de carnets ou d'articles qui témoignaient de ces deux expériences. Et tu dis dans le deuxième article que ça commence avec une présentation devant Tanaka Seiji qui te dit, en fait, entre guillemets, il faut tout recommencer, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que dans le buto, il y a ce rapport très, très radical. Parce que c'est vrai que du coup, on a un tout petit peu parlé de ce qu'est le buto. Donc toi, tu me dis qu'on ne peut pas vraiment le définir. J'ai l'impression qu'il y a quand même des espèces de grands principes d'une espèce de présence ultra radicale, d'ouverture ultra radicale au présent, au moment, aux sensations et dans tout le corps et comment justement le corps se met en résonance avec l'espace, avec le public, s'il y a un public, etc. Ouais, donc ça, ce sont effectivement des outils qu'on utilise. Comme tu le disais au tout début, dans cette définition du buto qu'on peut lire sur Internet, c'est qui est assez juste, on va chercher à explorer des endroits de notre corps qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas des endroits qui apparaissent dans notre quotidien. Et donc, on va chercher à développer des techniques qui nous permettent d'accéder à autre chose. En ça peut se rapprocher des recherches des surréalistes qui avec l'écriture automatique, avec l'écriture des rêves, ouais, etc. Les associations libres, etc. Exactement, cherchent à atteindre d'autres niveaux de conscience et des choses qui ne s'expriment pas forcément dans la conscience éveillée. Et donc, à cet endroit-là, dans le corps, dans la danse, on va chercher à déplacer le point d'attention, notamment à le décentrer de l'ego et de la volonté de faire, de se montrer, d'être, pour porter des points d'attention sur des choses extérieures. On parle beaucoup du corps vide, donc de se vider de toute cette intentionnalité pour pouvoir laisser la place à autre chose qui viendrait nous remplir et viendrait nous transformer de l'intérieur. Et c'est là qu'on parle de métamorphose, de nouveau un peu comme en surréalisme d'une certaine manière, mais d'une métamorphose du corps qui viendrait de ce décentrage et qui ferait surgir de nous des monstres qu'on ne soupçonnait pas. Alors comme ça, ça paraît un peu, ça pourrait paraître un petit peu mais justement obscur ou un peu hermétique. Concrètement au plateau, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, ça se traduit par quelque chose d'assez minimaliste où on sent qu'il y a vraiment un travail sur... on a l'impression que le moindre mouvement, la moindre respiration, le moindre déplacement dans l'espace, tout du coup prend un poids et une place énorme parce que justement tout est dans une espèce de nu ou de fine ligne très épurée, quoi. Généralement, oui. Alors, il n'y a pas de règle et il y a aussi du buteau qui est très maximaliste. Si vous allez voir sur YouTube les Dairaku Dakan, qui est une compagnie que j'aime beaucoup, une compagnie d'Akaji Maro, qui est un danseur et acteur japonais, c'est tout sauf minimaliste. C'est vraiment grotesque, avec des costumes incroyables et des mouvements qui sont rapides, là où on dit souvent que le buto est lent. Mais d'autre part, oui, pour beaucoup de praticiens, il y a cette approche du temps qui est particulière, le temps qui est dilaté, qui est allongé. Donc c'est une lenteur qui n'est pas forcément voulue. À aucun moment donné, on m'a dit « il faut que tu danses lentement », mais le degré d'attention à chaque infime changement de lumière, de température, implique que, dans un premier temps, tu dois passer par la lenteur pour pouvoir sentir vraiment et refléter, pour utiliser le terme qu'utilise mon prof, refléter chaque nuance du réel dans la finesse. Donc c'est pour ça que ça se transforme en ça se retranscrit comme quelque chose de minimal. Après, quand c'est maîtrisé, la vitesse peut se retrouver, et puis en fait, tu en fais ce que tu veux de ces outils. C'est des outils de base, c'est des techniques. La technique, elle est faite pour être dépassée, et puis après, tu en fais un objet artistique. Et si tu as envie de mettre beaucoup d'éléments, beaucoup de décorations, beaucoup de... Voilà, c'est possible aussi. Le buto est pluriel. Mais justement, en parlant de ce qu'on en fait, donc toi, donc tu disais que tu as fait cette première performance à l'occasion de Mons 2015, donc Memento la pluie, c'est ça, hein, ouais. Alors tu jouais avec ou tu avais pour partenaire un parapluie. Ouais. C'est une performance que tu as raffinée petit à petit, que tu as retravaillée petit à petit. Et puis, depuis, tu as eu d'autres performances. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement comment ça s'est passé pour toi d'importer ici en Belgique une forme artistique aussi particulière et aussi radicale que le buto? Oui. Ça, je suis passé par plein d'étapes, forcément, quand tu débutes une discipline, tu reproduis parfois artificiellement des choses que tu crois comprendre de cette discipline. Donc moi, j'aime bien le terme singer. Je donnais un stage de buto à Neuchâtel, à l'Académie, cet été. C'est une dame qui participait, une dame assez âgée, qui m'a dit j'ai l'impression qu'on est en train de faire les singes. et je voyais ce qu'elle voulait dire parce que singer, c'est... c'est tenter de reproduire, mais artificiellement. Et donc, tu peux très vite avoir cette tendance-là parce que tu as vu en vidéo ou en vrai des grands maîtres ou maîtresses de la discipline qui sont très, très impressionnants, impressionnantes. Et puis, tu te dis, ah, mais je vais essayer de retrouver, mais ça, ce n'est pas le bon chemin. Donc, je suis passé par ces étapes de recherche en les ramenant ici. Et puis, ça demande un très long travail, en fait, de maturation pour réussir à prendre ces outils, mais à les faire tien, et de trouver ton propre buto, et de trouver qu'est-ce que tu prends, aussi qu'est-ce que tu laisses, qu'est-ce qui ne te sert pas, qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Il est évident que ce qui est de l'ordre de l'héritage japonais, quelque chose qui ne m'appartient pas, donc que je n'utilise pas. Je ne vais pas faire du buto sur du shamisen. Voilà, oui, le shamisen sert à un instrument traditionnel japonais. Hein, ouais, c'est ça. Et que voilà, Hijikata, il performait avec des musiciens traditionnels parce qu'il est né dans le Tohoku, etc. Moi, je suis né dans les Ardennes belges. C'est plutôt ce type, ces références-là que j'ai envie de mettre en jeu sur scène, dans le rapport aux souvenirs. Donc, je suis passé par plein d'étapes, plein d'essais, plein de ratés. Je crois que c'est important dans le buto aussi d'oser se planter. Faut aller radicalement dans une direction aussi pour comprendre que parfois elle ne fonctionne pas, que c'est pas la bonne. J'ai essayé plein de formats, j'ai essayé plein de publics aussi différents. Ouais. Et puis c'est comme ça que j'en suis arrivé à performer dans des milieux queer. Ouais. Après avoir longtemps performé plutôt devant soit des publics de théâtre ou même devant du public de niche, de buto, etc. Et j'avais envie de sortir le buto de ça et de l'amener ailleurs. Et ça m'a aussi donné beaucoup de liberté. Là où face à un public de niche, ben, tu sais qu'il y a des attentes en ce qui concerne les codes, etc., que tu dois respecter. Sinon, tu peux provoquer, mais en fait, non, c'est pas du buto, ça, etc. Et le fait de sortir la pratique de sa niche, ça m'a permis de trouver les espaces de liberté, de me dire, en fait, non, je peux faire globalement tout ce que je veux avec cette matière. Alors, on aura l'occasion de parler en deuxième partie de l'émission de justement le rapport au public et au public queer et la réception dans des cabarets queer de ces performances qui sont tellement particulières. Puisque tu l'évoques de toi-même, ça me paraît intéressant d'en parler maintenant. Mais justement, en tant que Belge et étant né dans les Ardennes belges, quand tu vas apprendre une pratique qui est si particulière à une zone géographique et à une culture qu'est le buto, comment est-ce que tu fais ? Alors, tu as déjà en partie répondu, mais comment est-ce que toi, tu as pu faire pour... parce qu'en plus, maintenant, tu le dis, tu enseignes le buto ici. Ça doit être un poids assez lourd à porter de se dire « je fais du buto et j'enseigne le buto ». Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça et par rapport à une crainte d'appropriation culturelle ou de récupération d'une culture qui ne t'appartient pas ? Par rapport à la réappropriation culturelle, moi, ce qui, entre guillemets, me rassure, c'est ce que je disais avant, c'est que le buto est fait d'aller-retour. Entre l'Occident, le Japon, etc., on est déjà à une époque, le buto naît au moment où la globalisation s'intensifie et où le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, s'ouvre très très fort aux influences extérieures. Mais on distingue aujourd'hui assez fort ce qu'on appelle le buto japonais, qui est un buto qui va s'inscrire dans cette histoire du Japon, post-Seconde Guerre mondiale notamment, et le buto international, là où aujourd'hui en fait c'est un courant qui s'est... en fait, répandu dans le monde entier. Il y a maintenant plus de danseurs, danseuses buto en dehors du Japon qu'au Japon lui-même. Ça s'appelle toujours buto parce que le geste initial est né là-bas, mais ça s'est très très vite déplacé. Les compagnies japonaises ont migré massivement en France dans les années 80 parce que il se trouve que l'intérêt du public était plus fort en Europe qu'au Japon. C'est une pratique qui restait finalement toujours très très marginale au Japon, encore aujourd'hui, à part une ou deux grandes figures qui ont tellement fait leurs preuves que le gouvernement japonais leur rend honneur, etc. Mais la plupart des danseuses restent vraiment dans l'underground. Là où en France, des compagnies comme Senkaijuku jouent dans les plus grands théâtres avec des gros moyens. C'est comment ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, donc ne pas jouer au japonais, ne pas se réapproprier des éléments de la culture qui qu'on ne maîtriserait pas, mais c'est ancré en fait ces influences dans ce qu'on est, dans là d'où je viens, dans mon point de vue situé. Je pense que c'est comme ça qu'on évite le piège de la réappropriation. Mais effectivement, je me suis posé beaucoup la question de l'utilisation du mot buto comme une marque déposée, parce que même au Japon, même des praticiens du buto, à un moment donné, se sont dit c'est un terme qui pourrait être restrictif. Mmh. Et donc, on commençait à se dire non, on va inventer d'autres termes, d'où est né le body weather ou d'autres courants en fait, qui sont une recherche similaire, mais qui n'utilisent plus le nom parce qu'ils avaient l'impression qu'ils fermaient. De la même manière, j'essaye, par exemple, quand je performe en cabaret queer, je demande au MC de ne pas utiliser le mot buto dans la présentation, pour ne pas diriger le regard ou se dire « Ah ben ça doit être quelque chose que je ne comprends pas » et de plutôt se dire « Waouh, qu'est-ce que c'est ?» sans le nommer. Maintenant, quand je donne des stages, ben, ça donne l'information du type de recherche qu'on va faire ensemble. Donc, je n'ai pas encore trouvé d'autres mots pour exprimer aussi clairement, ok, on va partir de ce point de départ-là pour rechercher ensemble dans le corps, dans la présence. Mmh. Donc voilà, c'est toujours une question. Si un jour j'invente mon propre terme, j'en serai très heureux. Mais pour le moment, buto reste malgré tout le mot le plus clair pour parler de ce que je fais, de ce que je transmets. Super. Eh ben merci. On va déjà faire une première pause musicale. Et je propose justement, en parlant de ce que tu fais et d'avoir ses propres référents, de diffuser une musique que tu as utilisée dans ta première performance. Buto, ah ouais. Dans mes métaux la pluie. Ah, ou tu préfères qu'on commence par... Non, c'est pas ça. C'est parce que donc oui, c'est effectivement, c'est pas cette musique-là que j'ai utilisée dans ma première performance. Je vais raconter très rapidement la petite histoire. C'est donc un groupe qui vient d'Orléans, qui s'appelle Collection d'Arnel Andrea, qui est un groupe de Cold Wave dont j'étais très très fan depuis que je suis ado. Vraiment, c'est d'ailleurs, je vous conseille d'aller découvrir. Leur œuvre est incroyable. Ils ont des albums magnifiques, ça va de la dark wave au néoclassique, voilà, c'est très très large. Et alors j'avais utilisé une de leurs musiques, plutôt néoclassique justement, dans cette performance, et puis à un moment donné je me suis dit je vais quand même les prévenir. Donc j'ai envoyé un petit mail à l'adresse du groupe en disant « je suis désolé, je ne vous ai pas demandé l'autorisation, mais j'utilise », et je leur ai envoyé un teaser. Et ils étaient très touchés. Ils ont directement demandé à me rencontrer, donc ils m'ont invité à Orléans chez eux, et là ils m'ont dit mais en fait nous on veut faire quelque chose avec toi, et puis ils m'ont proposé de tourner un clip avec eux pour un morceau de leur album qui venait de sortir à ce moment-là. Et donc on a tourné un clip sur les bords de Loire, dans la campagne orléanaise. C'était un moment assez magique pour le fan que je suis. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous ai proposé d'écouter ce morceau, Soul sans voix, de l'album Another Winter. Et le clip est disponible sur YouTube, sur la page de Collection d'Arnel Andrea, etc. Si vous voulez voir le résultat. Formidable, et eh bien on écoute ça tout de suite et après ça on revient pour la suite. Vous êtes toujours sur Radio Panique et c'est toujours Freaks et Merveilles. Vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez Freaks et Merveilles. C'était Soul sans voix de Collection d'Arnel Andrea. Merci de nous avoir amené cette track si particulière, c'est très beau. Avec plaisir. Donc, pour continuer cette émission, on en a déjà un petit peu parlé, on l'a un peu teasé avant la première pause musicale, mais puisque c'est une émission qui parle des arts du cabaret queer, parlons de la réception par le cabaret queer de tes performances. Donc déjà, tu l'as déjà dit, mais donc t'es arrivé au cabaret queer un peu après avoir essayé des publics, on va dire, un peu plus d'initiés, un peu plus de niche du buto. Je sais que t'as aussi eu une commande pour une performance autour d'un tableau de Dali, La Tentation de Saint-Antoine. Et donc, la réception par ce public-là, c'était un peu une réception de... de gatekeeping ou de dire ah là là, ça c'est pas vraiment du buto, etc. C'est ça que tu disais un peu? Ça c'est quelque chose qui peut arriver quand on joue dans des, voilà, dans des événements de buto où c'est le public de praticiens, praticiennes du buto qui viennent voir, où parfois il y a quelque chose d'un peu dogmatique qui peut s'installer. Alors que le buto même, enfin, moi on m'a souvent dit à partir du moment où on sait ce que c'est le buto, c'est plus du buto. Donc voilà, c'est quelque chose qui demande à être redéfini, à être voilà, remis en question sans cesse. Je trouve ça drôle parce qu'on dit la même chose de queer ou de punk. Bien sûr, bah oui, mais c'est enfin, pour moi, on va en reparler, mais pour moi, le buto est un courant queer et punk à la fois. Mais oui, non, alors c'était pas exactement la même réception, par exemple, au Musée des Beaux-Arts. Donc ça, c'était vraiment une très, très, très belle expérience. C'était une opportunité assez incroyable que j'ai eue. Où en fait, c'était à l'occasion de la Museum Night Fever, où j'ai rencontré Myriam, qui travaille au Musée des Beaux-Arts. Et on a discuté de ce tableau, La Tentation de Saint-Antoine de Dali. C'est un tableau qui me fascine. Et j'ai des éléphants tatoués dans le dos. Du tableau, et quand je lui ai dit ça à Myriam, elle m'a dit mais c'est incroyable, il faut faire quelque chose. Et donc elle m'a voilà, je lui ai proposé de faire une performance de buto où je traverse en fait par la métamorphose les différentes figures du tableau devant le tableau lui-même. Donc j'installais mon petit carré de tapis de danse devant le tableau. J'étais avec un body painting qui avait été fait par mon amie Marie, un body painting assez voilà, aussi surréaliste. Et c'était des performances, une performance d'une vingtaine de minutes qui se faisait plusieurs fois. D'abord dans le cadre de la Museum Night Fever, et puis après, il y a eu une exposition d'Ali Magritte où le tableau était présent. Et donc là, je le faisais pas tous les week-ends, mais un week-end sur deux aussi, pareil, plusieurs fois par jour. Et tu fais bien de parler de ça parce que moi, c'est cette expérience qui m'a donné envie d'aller chercher un autre public. Parce que là, c'était principalement le public du musée qui venait voir l'expo, qui n'était pas toujours au courant qu'il allait y avoir une performance. Donc, il y avait aussi ce côté impromptu de débarquer en string dans l'espace d'exposition. Ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, et ça se faisait sans médiation? Il n'y avait personne qui t'introduisait ou quoi? Non, je ne voulais pas. Ah oui, donc tu venais mettre ton carré de tapis de danse. Et le carré était là, il y avait, donc je pense que les gens se doutaient qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Mais par contre, je débarquais et puis... à part ceux qui avaient été voir sur le site internet, de nouveau, personne ne savait que c'était du buto ou que c'était ou qui j'étais. Donc il y avait vraiment cette créature qui débarquait et puis qui comme si elle sortait du tableau. C'était vraiment très très chouette aussi de pouvoir travailler dans cet espace, dans ce musée avant l'ouverture des portes avec toutes ces œuvres de Magritte. Enfin, c'était waouh, c'était quelque chose de très très fort. Et puis j'en suis arrivé après à me dire tiens, mais en fait il y a quelque chose dans le monde du cabaret qui me semble résonner très fort avec le buto, notamment parce que dans ses origines le buto s'est développé au Japon sur des scènes de cabaret, notamment interlope, parce que le buto utilisait des outils, enfin par exemple la nudité qui était totalement taboue et interdite au Japon sur les scènes. Je pense qu'elle l'est encore très très fortement aujourd'hui. L'homosexualité, le travestissement, enfin plein de traits qui ne pouvaient pas se développer sur des scènes plus officielles. Et donc les premiers performeurs, performeuses buto performaient sur des cabarets entre deux numéros de striptease et ce qu'on appelait à l'époque du transformisme. Donc avec tout ce qu'ils appelaient l'angora, donc l'alternatif japonais de l'époque. Et donc quand il y a eu ce gros boom du monde du cabaret queer à Bruxelles, un petit peu avant la pandémie de Covid et puis l'explosion qu'on connaît aujourd'hui, ben en fait, je me suis dit, mais oui, en fait, ça, c'est un endroit où je verrais bien déployer le buto. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai vraiment pris conscience de la queerness présente dans le buto dès le départ. Et dans l'endroit où aujourd'hui pour moi il est encore subversif et il est nécessaire aussi politiquement. Là où avant ça j'étais dans un rapport poétique mais très dépolitisé à la discipline et donc il y a eu un tournant à ce moment-là quand la queerness s'est immiscée dans mon buto. Et en même temps, moi en tout cas en lisant ce que tu as écrit en 2015 en revenant de ta première expérience de buto, etc., dans ce que tu écrivais de ce côté d'être pleinement soi, d'être plein dans son rapport au monde, de déployer toutes les possibilités de l'être et tout ça. En fait, alors d'une manière un peu poétisée et métaphorique, mais c'est des choses qui résonnent beaucoup avec ce qu'on veut souvent dans le cabaret queer, et même ce que d'ailleurs beaucoup d'invités ont dit sur cette émission, que le cabaret queer, le drag, le burlesque, même le stand-up, c'est une occasion d'être pleinement soi. Et d'ailleurs, par exemple, dans le drag, beaucoup de personnes ont un questionnement et un voyage dans le genre en développant une activité de drag ou parallèlement à leur activité de drag. Et on sent que ça vient toucher à un déploiement de l'être, à un déploiement de la personne, à un déploiement des possibles. Mais moi, ça m'a paru être un parallèle vraiment très, très clair avec le buto, comme tu en parles, quoi. Ouais, bah ça met, c'est effectivement très présent. J'imagine qu'il y a plein d'enjeux inconscients qui étaient là dès le départ, qui ont participé à cette fascination que j'ai eue dès le départ. Mais la prise de conscience est arrivée pour moi plus tardivement. Puis notamment le fait de travailler, de regarder travailler au quotidien ma compagne de tous les jours qui est Rose Gigot, qui dans le drag monstre, où en fait je me suis dit mais oui, mais en fait ça me parle aussi de ce qu'on cherche dans le buto, en fait à laisser s'exprimer les monstres en nous qui d'habitude sont tapis dans l'ombre et n'osent pas sortir à la lumière. Et là-dedans, pour moi, il y a quelque chose de très, très politique aussi, de comment le corps est encore aujourd'hui dans la société réprimé en permanence, où dès qu'un corps sort un peu de ses gonds, on détourne le regard. Enfin, c'est très voyant quand vous voyez encore aussi dans la rue des personnes en itinérance, des personnes qui sont dans des délires et où le corps déborde, s'exprime. En fait, ça procure souvent chez beaucoup de personnes une sensation de gêne, comme quelque chose qu'on aimerait ne pas voir. Les corps aussi difformes, les corps qui ne rentrent pas dans les cadres, etc. Et donc le fait de les mettre en pleine lumière sur une scène, de leur donner un vrai espace d'expression, oui, là, ça devient très très politique. Yes. Mais du coup, pour revenir à ton arrivée dans le cabaret queer, donc tu nous disais en première partie de l'émission que toi, tu demandes que la personne qui fait MC pour la soirée où tu performes ne dise pas que c'est du buto, par crainte d'une fermeture du public à se dire « Ah, ça va être le moment étrange et que je ne comprendrai pas de la soirée, je laisse passer et puis je reviens. » Et de plutôt... inviter en restant relativement flou sur ce que c'est qui va se passer pour inviter le public à te rejoindre, c'est ça ? C'est ça, parce que le terme, quand on utilise le terme, parfois les gens se disent bah, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est quelque chose qui va me rester extérieur. Alors que quand on ne dit pas ce que c'est, ben en fait les gens sont dans le même état de réception que quand une queen arrive sur scène, et donc du coup se disent bon, voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Ils sont dans l'ouvert. Ils sont vraiment ouverts à la proposition sans chercher à mettre des mots dessus. Et puis, ben voilà, il se passe quelque chose d'étrange. Et je pense qu'ils vont peut-être plus se laisser transporter et rentrer dans la proposition que si c'est nommé comme quelque chose qui appartient à quelque chose d'étranger, à une altérité, etc. Quoi, ça, le rapport avec le public fusionne beaucoup plus. Et du coup, est-ce que tu as développé des performances spécifiquement pour des cabarets queer, ou est-ce que c'est des performances, par exemple, Memento la pluie, ou bien cette performance autour de Dali et de la tentation de Saint-Antoine ? Est-ce que tu as... Y a quand même une contrainte dans les cabarets, c'est la durée. Donc là où avant j'étais sur des performances qui étaient entre 20 et 30 minutes, voilà, c'est pas rythmiquement, c'est pas possible. Je l'ai fait au tout début dans certains cabarets, d'essayer de compresser des performances qui à la base durent 20-25 minutes, d'essayer de les compresser en 15. Mais c'était pas le format idéal et puis j'avais envie de voir comment la contrainte du temps pouvait être aussi pouvait générer de la créativité et de me dire voilà c'est comme pour le drag, c'est une chanson qui dure max 5 minutes et puis j'ai 5 minutes pour habiter pour laisser exister le buteau sur la scène et donc là j'ai créé des numéros et puis qui d'ailleurs ne sont pas à 100% du buteau. Bah d'ailleurs, est-ce que c'est possible d'être à 100% du buteau? Mais en fait, où j'utilise ces états de présence très particuliers pour créer, pour faire vivre ce personnage, Memento, qui est pluriel. Donc c'est vraiment, je sais pas, je saurais pas dire exactement ce que je fais. Il y a pas de nom parce que c'est devenu maintenant un mélange entre ces influences de buteau, des influences de ce que moi j'aime dans le cabaret, de mon background théâtral. De la danse maintenant que je pratique plus intensément. Et puis voilà, c'est cette créature qui est en fait une extension du moi d'aujourd'hui, qui résonne avec le monde, avec voilà, ce qui m'entoure, avec mes craintes, mes peurs, mes désirs. Oui, parce que j'allais dire, pendant ce que j'ai compris du buteau, il y a vraiment une recherche d'une toute petite résonance qu'on va essayer d'amplifier ou de cultiver. Et ben souvent, d'ailleurs, beaucoup de mes invités parlent du fait que justement, le cabaret, on est à fond, c'est hyper intense, c'est hyper explosif, c'est hyper. Pendant 3 minutes, on donne tout et après, on est essoré. Et du coup, oui, je me dis. Trouver cette qualité-là dans un temps aussi minimum, en termes même de préparation avant de monter sur scène, de préparation backstage, ça doit être, j'imagine, déjà un travail d'ouverture et de mise en disponibilité avant d'aller sur scène. Oui, ouais, c'est effectivement. Et parfois, j'arrive pas à trouver l'intensité que j'aimerais trouver parce que oui, c'est des contextes particuliers et puis c'est très très tôt donc tu dois y être directement. Mais il y a des moments où, oui, en fait, je commence à performer déjà sur le chemin entre les backstage et la scène. Où je me mets déjà dans un certain état, sinon en fait arriver sur scène, déjà comprendre où tu es, et puis paf, rentrer directement, ça demande un niveau de maîtrise que voilà que je n'ai pas encore pour pouvoir y être à 100% dès le début. Donc oui, je dois trouver un petit peu des processus de méditation avant de rentrer sur scène pour me dire ok, en fait là, il faut déjà que je peux pas faire advenir l'état. Progressivement, comme ça se passe parfois dans les performances, quand j'ai 20-30 minutes, où ça peut se déployer, quoi. Oui, ça peut être assez virtuose, mais c'est un chouette exercice aussi. Super. Eh bien, on va faire la deuxième petite pause musicale avant de déployer tout ce qu'on a mis déjà en germe là. Et tu nous amènes une piste de Anthony, enfin maintenant Anony and the Johnsons, Her Eyes Are Underneath the Ground, qui a un lien direct avec le buteau. Ah oui, ça c'est vraiment la bande son du buteau. Ah oui, bon, est-ce qu'il y a vraiment des mots qui sont à la hauteur de la vibration de la voix d'Anony? Je ne sais pas. Mais c'est un album de Crying Light que Anony a écrit après sa rencontre avec les Ono père et fils, donc avec Kazuo et Yoshito Ono. Et elle a notamment eu l'occasion de faire une tournée au Japon avec Yoshito. Je pense que il y avait pour projet de le faire avec Kazuo, mais il est décédé avant ça. Enfin, il n'était plus en état de performer. Enfin, il a quand même performé jusqu'à 102 ans. Hein, donc voilà. Mais donc avec Yoshito Ono, donc Anony chantait, Yoshito dansait. Puis voilà, ça a été vraiment cet album le témoignage de la rencontre entre l'univers musical d'Anony et puis ce buteau. et notamment le Her Eyes and Underneath the Ground, c'est, bon, là, utilise le terme her, mais les gens qui ont vu Kazuo Ono performer disaient qu'il avait un regard qui était tellement fort qu'on avait l'impression que quand il regarde le sol, quand il danse, en fait, il regarde quelque chose qui est bien au-delà du sol, et comme s'il ouvrait, il pouvait déchirer le sol et rentrer dedans. On parlait de ça aussi quand il chutait, quand il tombait, où on avait l'impression que c'était une chute infinie, puis que le sol s'entrouvrait sous son corps. Mmh. Et donc, à partir de cette observation, Anony a écrit ce morceau qui est le premier de l'album. Super, merci pour cette belle introduction qui nous remplit d'images avant d'écouter ça. Donc on écoute Her Eyes Are Underneath the Ground de Anony and the Johnsons et on se retrouve après. Vous êtes toujours sur Radio Panique et c'est toujours Freaks et Merveilles. Her Eyes Are Underneath the Ground. Vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez Freaks et Merveilles. Voilà, rest assured, your love is pure. Mm. Malheureusement, il nous faut couper cette... Enfin, j'ai décidé de couper cette piste pour qu'on puisse continuer cette interview, mais allez écouter Anony and the Johnsons, allez écouter The Crying Light, l'album dont est issu Her Eyes Are Underneath the Ground, qu'on vient de vous passer. Merci d'avoir amené la voix d'Anony sur cette radio, ça me fait toujours des frissons partout. En plus, cet album-là, je ne le connaissais pas, donc je vais m'empresser d'aller l'écouter. Mais pour revenir à toi, donc on a parlé un petit peu de ton arrivée dans le cabaret queer, etc. Aujourd'hui, donc on a déjà un petit peu dit que tu donnes des ateliers de buto, enfin des workshops. Ouais. Comment est-ce que ça se développe? Est-ce que tu continues à développer ton buto aujourd'hui? Est-ce qu'on peut te croiser de temps en temps dans des cabarets queer? Comment ça se développe pour le moment? Alors oui, je continue à interroger mon buto, je pense que c'est le terme juste, de plein de manières différentes. Le buto, c'est assez dingue parce qu'il est toujours venu me rechoper, même à des moments donnés où je voulais l'abandonner parce que y a eu des moments donnés très difficiles. Enfin, c'est une entreprise... quand même assez vertigineuse et notamment mon retour de ma formation en 2017 et la dureté qu'il a pu y avoir dans mon rapport avec mon professeur dans ces vertiges en fait, dans cette exigence de dire mais en fait non, je ne vais plus y arriver. Puis au moment donné où je me dis je vais arrêter le buto, je vais revenir au théâtre et à ce que je sais faire de base, à ce moment là on m'appelle pour me dire ah mais il y a le festival de buto d'Amsterdam qui veut programmer ta performance et donc là t'es obligé de t'y remettre. Et en fait ça a toujours été comme ça, c'est à dire le buto est toujours venu me rechercher. Donc j'imagine qu'il y a quelque chose qui, je fais souvent assez confiance à là où la vie m'amène, et donc il y a quelque chose à faire avec ce buto et qui va s'interroger, j'espère, jusqu'à la fin de ma vie, en sachant que quand j'ai rencontré Yoshito Ono, qui avait déjà plus de 70 ans, il disait avec une espèce de regard enfantin, mais j'ai compris ce que c'était le buto il y a 6 semaines, alors qu'il le pratique depuis qu'il a 16 ans. C'est je pense, vraiment une philosophie plus qu'un dogme, et donc c'est quelque chose qui se déploie dans le temps, et je pense que c'est quelque chose qui accompagne toute une vie. Quand on a touché au buto, c'est un virus qui est là, et puis qui grandit, qui se développe. Alors comment je le développe, comment je l'interroge? Alors oui, il y a la question de la transmission, du partage, en fait, qui est à chaque fois une en co-développement avec les personnes à qui je partage les outils, parce que en les expliquant, en essayant de les transmettre, moi-même je les affine, moi-même je les précise, et en fait je continue à travailler. Donc quand je donne en stage de buto, je me donne à moi-même en stage en même temps. Et puis de fait, le voir les gens répondre à ces propositions, ça nourrit en permanence. Donc ça a été, c'est une grande, une grande manière pour moi de continuer à le mettre en mouvement et à ne pas figer la chose. Donc on donne des labs, ce qu'on appelle les labs buto, tous les mardis à Tic Tac Art Center, donc un lieu d'improvisation de danse, de 18h30 à 21h. Donc ça, si vous voulez essayer le buto, c'est l'occasion parfaite parce que c'est pas trop cher. Il n'y a pas d'obligation de régularité, il n'y a pas de nécessité de s'inscrire à l'avance. Il suffit d'aller à Tic Tac, à Anderlecht, les mardis. Les informations sont sur le site, donc ce n'est pas pendant les vacances scolaires, etc., bien sûr, mais donc Et vérifiez avant. on peut venir en cours de session Bien sûr. si les auditeurices écoutent, ils peuvent aller mardi prochain Ouais, tout pour à rejoindre. fait. Super. Et donc, c'est pas que moi qui dirige les labs, on les a co-créé avec plusieurs autres personnes qui avaient envie de continuer à travailler. Et on invite des gens qui pratiquent le buto à partager un aspect de leur pratique, qui donc parfois est très très différent. Voilà, moi j'ai déjà dirigé des cursus sur le surréalisme, sur le rapport à la figure de la diva, qui est une figure qui m'inspire pas mal. Là pour le moment, Rebecca Lennartz dirige un cycle sur le rapport au textile, Super. voilà, qui est très très chouette. Et puis après, c'est donc Camille Razera qui va prendre la relève. Voilà, donc ça. Et puis je donne des stages ponctuellement, donc dans des formations, mais aussi à la KDT tous les ans. Je trouve un très chouette contexte pour. C'est vraiment de l'initiation, donc ça ne demande aucun prérequis, mis à part la curiosité. Et donc on reprend les bases, on les réinterroge ces bases, et on est dans le contexte de la KDT, dans la campagne, à Neuchâteau, en immersion totale. Donc pour moi, Oui, c'est c'est une vraiment le semaine contexte parfait. où on fait que ça. Ouais. Super. Ben, trop chouette. Si on dézoome un peu, parce que tu as beaucoup d'autres pratiques, comme tu l'as dit, tu danses, tu joues au théâtre, etc. Et tu as notamment un projet que tu viens de mettre sur l'établi, qui est encore très brut, qui s'appelle Micro Tears. Titre Titre provisoire. provisoire, alors je me permets d'en parler parce que ça interroge aussi un rapport au corps, mais le rapport entre la faiblesse, la vulnérabilité et le bodybuilding. Ouais. Super intéressant comme point de départ. J'ai eu l'occasion de lire la note d'intuition que tu m'as fait parvenir, qui est très enthousiasmante et où tu travailles notamment avec une bodybuildeuse belge. Ouais, c'est pour le moment un travail qui se passe beaucoup dans ma tête, hein, parce qu'on n'a pas encore commencé vraiment la création au plateau, mais oui, c'est le prochain projet de ma compagnie de buto qui s'appelle La Sombre Compagnie, que je dirige avec Célia Rorive et Camille Razera. Et donc c'est presque né d'une blague, en fait, à la base, de se dire, mais en fait, on va aller faire danser le buto à des bodybuilders. Ça semblait tellement antinomique. Et puis, je me suis sincèrement intéressé à la discipline. Je suis allé voir des compétitions. Je suis allé voir des cours de posing aussi. Donc, parce que les compétitions de bodybuilding se construisent sur des poses imposées, en fonction des catégories, bien sûr, mais en fonction du genre. Qui permettent de mettre en valeur des groupes musculaires précis, etc. Donc c'est vraiment une discipline très pointilleuse. Et Donc il y a des cours où on va apprendre à, je sais pas, mettre en avant les deltoïdes ou mettre en avant les pectoraux, mettre en avant. exactement. Et en fait, voilà, bouger un tout petit peu, plier un peu plus le genou, ça va mettre en valeur plus le muscle que si tu le fais pas bien. Donc c'est vraiment extrêmement précis. Ça m'a d'abord fait penser à la danse classique, à certaines posture de classique. Et puis, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de vraiment très intéressant par rapport au buto, à plein d'égards, en fait, déjà dans le fait que le corps des bodybuildereuses reste aussi, malgré tout, encore assez marginal, qui est souvent jugé, qui est souvent appelé monstrueux. Donc, il y a aussi un corps qui peut être tabou pour les gens qui ne sont pas initiés à la discipline. Ça dépend vraiment bien sûr des régions du monde, des milieux, etc. Dans notre milieu culturel, intellectuel, souvent, c'est très dénigré. D'ailleurs, tu as cette image dans la note d'intuition de les intellectuels considèrent que c'est comme si le cerveau avait fondu dans les muscles. C'est ce qu'on m'a souvent dit quand je dis « Ah, mais je vais travailler sur le bodybuilding », les gens me regardent un petit peu comme si c'était une sous-discipline. Alors que c'est extrêmement exigeant et qu'en fait, il y a des personnes très, très, très, très, très talentueuses qui la pratiquent. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir aussi les endroits de faille qui se trouvent malgré tout derrière cette discipline. Et c'est pour ça que, pour le moment, j'utilise le terme « micro-tears », parce qu'en fait... Pour fortifier le muscle, il faut le fragiliser en le sursollicitant pour qu'il se régénère. Et donc en faisant des micro-déchirures, c'est ça, d'où le terme de micro-tears. Pour que les protéines puissent... Mais qui fait aussi comme si c'était des micro-larmes, micro-tears. Ouais. C'est ça. C'est, et donc c'est du coup, un beau double sens. Je suis encore à la recherche de praticiens du bodybuilding qui seraient d'accord en fait de donner à voir leur vulnérabilité, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de forcément montrer dans les compétitions. Et donc je travaille effectivement avec Alicia Destiné. Enfin, je vais travailler avec Alicia qui était au conservatoire de Mons aussi en théâtre et puis qui en sortant du conservatoire s'est intéressée. À la pratique du fitness qui a mené au bodybuilding et donc qui partage cette pratique de la scène et du sport, enfin du bodybuilding. Waouh, mais ça me paraît être une très belle ouverture sur, comme tu disais, cette intégration du buto comme outil pour aller travailler d'autres projets et d'autres disciplines. Alors avant de te laisser repartir, quelques questions rituelles. Sans le buto, tu serais devenu quoi ? Tu serais devenu qui ? C'est une très bonne question. Moi, ça a été le buto a changé ma façon d'être sur scène, définitivement. Donc, je crois qu'avant ça, j'étais très cérébral. Donc, peut-être que je serais devenu un acteur cérébral, et un acteur cérébral, c'est chiant. Je serais devenu chiant. Si t'as tout le budget du monde pour organiser un show, tu fais quoi ? C'est une question intéressante. peut-être je fais un live avec quelqu'un comme Kate Bush. Kate Bush avec Danse Buto. Ou alors je fais quelque chose avec beaucoup de monde. Ça, c'est souvent quelque chose qui manque. J'ai des images comme ça de buto avec vraiment beaucoup de monde. Donc on va dire, je fais un show avec Kate Bush et beaucoup de monde. Parfait. Donc tu as Kate Bush qui chante et 30, 40, 50 personnes qui font du buto. Et 80 performeurs. 80 performeuses de buto. Waouh, ça va être quelque chose. Ouais. vous allez fendre les murs, quoi. Vous parlez beaucoup, ton corps et toi ? Ouais. Bah oui, c'est vraiment ça, c'est de la négociation, c'est de la diplomatie avec le corps à chaque seconde dans le buto. C'est parce qu'on va chercher des postures parfois qui nous sortent de notre zone de confort, qui sont des postures inconfortables, des torsions, des pliés, les muscles des jambes en prennent pour leur grade. Donc oui, il y a une négociation avec le corps. Mais est-ce que, du coup, pour compléter la question, est-ce que hors de la pratique, ça a changé, je ne sais pas, ta manière de marcher, ta manière de te positionner pour dormir, ta manière de manger Oui et non, mais je sens que plus le temps va avancer, plus il y aura des ponts entre ma pratique scénique et ma pratique, et puis mon rapport au corps quotidien. Mais c'est des ponts qui mettent du temps à se construire. Et donc, pour le moment, la perméabilité entre la scène et la vie n'est pas encore totale, bien au contraire. Et donc, pour le moment, vraiment, la scène est un espace rituel dans lequel je peux me reconnecter avec mon corps, quelque chose qui, je pense, dans le contexte de la ville, est très compliqué. Plutôt freaks ou plutôt merveilles ? Les freaks sont des merveilles. Oh, waouh ! Celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Ben voilà. Eh ben merci beaucoup. Merci Quentin d'être venu nous parler de ta pratique du buto et de tout ça. C'était assez passionnant. Ah ben merci à toi. Eh ben à très vite. J'espère avoir l'occasion de te voir performer. Je t'ai pas encore vu en scène de cabaret queer performer avec Memento. La prochaine fois, c'est à New York si tu veux venir au festival Queer Buto de New York. Voilà, si on a des auditeurs du côté de New York, au mois déjà de juin. Courage à vous. Et puis, et puis en juin, vous avez une fenêtre. Parfait, eh ben, merci beaucoup. Bonne continuation à toi, à très bientôt. Merci. Et puis vive l'exploration de nos obscurités. Voilà. Voilà qui clôture cet épisode de Freaks et Merveilles. Rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochain numéro. En attendant, il y a plein d'épisodes à écouter sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à lâcher étoiles, pouces, cœurs et tout le tralala pour qu'on soit mieux répertorié et que cette émission puisse vivre, et à faire un tour sur son Patreon pour la soutenir financièrement si vous en avez les moyens et l'envie. Freaks et Merveilles est une émission conçue, animée et diffusée par Croc. Les audios du podcast sont de King Baxter et les visuels de Maël Christin. Merci à Radio Panique de nous accueillir. Cette émission est propulsée par Murmure ASBL. Merci à elle. Et pour finir, n'oubliez pas le plus important, allez voir les Freaks et les Merveilles sur scène.